Niax. Assieds-toi. Bon, je te fais confiance, hein, je te mets pas les menottes. Vous inquiétez pas, comme j'ai rien à voir, je compte pas rester longtemps. Ah, je vois que t'as vu ton baveux. Ça va, il t'a rassuré. Pourquoi tu crois que je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, moi? Là, il faudrait. Parce qu'à mon avis, cette fois-ci, ça va être dur de t'en sortir. D'ailleurs, entends tes amis. Ils ont l'air inquiets, non? Je sais pas, moi, demande-leur. Tu sais, après plusieurs semaines de surveillance et d'écoute, on sait qui fait quoi, on sait où tu chies et qui tu baisses. Mais on verra ça plus tard. Tu fumes, tu veux une cigarette? Non, merci, je peux tenir. C'est quoi, tu as 96 heures, c'est ça? Je vois que tu connais bien la procédure. Pas du tout, je regarde la télé, c'est tout. Bon, on attend quoi pour commencer? Pourquoi, t'es pressé? Non, pas pressé, mais impatient. C'est pas pareil. Eh, on va attendre ton avocat. Tu voudrais pas qu'on fasse un mise de procédure, quand même? T'inquiète pas pour ça, j'ai pas besoin de ça pour m'en sortir. De toute façon, j'en suis sûr, ça doit être un coup de poucave. Ah, si t'as des ennemis, c'est que tu gênes des mecs dans le business, c'est tout. J'ai pas dit que j'en avais. Je dirais plutôt des concurrents. Vous savez, je suis un petit épicier ambulant, ça crée des jalousies. Épicier ambulant. Bon, ça fait quoi de se faire choper en flag sur un braco? Parce que moi, je connais très peu d'épiciers qui montent sur des banques. Tu sais, il y a un proverbe marocain qui dit « Celui qui veut le miel doit supporter les piqûres d'abeilles. » Ah, bah tu dis raisonnable. Mais pour t'en sortir, il va falloir affronter l'ours. Quoi, c'est toi l'ours? Oui. Bonjour, monsieur le commissaire. Maître, entrez donc. Votre client pressé. Impatient, nuance, c'est pas pareil. Vous pouvez me laisser 5 minutes avec mon client? 5 minutes, pas une de plus.